السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، nous allons étudier aujourd'hui إن شاء الله تعالى شروط الصلاة، les conditions de la prière. La prière, comme nous l'avons déjà mentionné, est le pilier le plus grand, le plus important après l'attestation de foi. Ainsi, il nous faut la préserver, l'accomplir comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et comme il nous l'a légiféré. Ainsi, celui qui préserve cette prière aura préservé sa religion. Celui qui néglige cette prière sera sans aucun doute encore plus négligent pour les autres préceptes de l'islam. Et celui qui accomplit la prière se doit de prendre soin de ses conditions, prendre soin et s'instruire dans ses piliers et également dans ses obligations et les paroles et actes recommandés. Il doit faire tout son possible pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala à travers la pratique de cette adoration. C'est pour cela que les savants accordaient beaucoup d'importance aux conditions de la prière. Ils ont écrit dans ce sujet, ils ont expliqué, ils ont détaillé et émis beaucoup d'avis juridiques dans ce sujet. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes dans une époque où beaucoup de gens reviennent à la religion. Des personnes en dehors de la religion s'intéressent à l'islam. Ils reviennent à l'islam. Ils embrassent l'islam en prononçant l'attestation de foi « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ». Et la première chose qui leur vient, la première chose à laquelle on les invite, c'est l'accomplissement de la prière. Et à ce moment-là, beaucoup d'entre eux se posent des questions, ils ne savent pas ce qui est obligatoire, ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est pour ça qu'on va, incha'Allah ta'ala, durant certains cours, développer ce sujet ô combien important. On a aussi des personnes qui ont grandi dans l'islam et à un moment de leur vie ont été détournées par des passions ou autres. Par la suite, ils reviennent à l'islam, ils reviennent plutôt à la prière et Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Cet amour pour la prière augmente et ils veulent apprendre et connaître. C'est pour cela, avec aide et assistance d'Allah, ou aide et assistance demandée à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on va s'entretenir, qu'on va se conseiller mutuellement, s'entraider mutuellement dans cette démarche. Donc, shurut as-salah, les conditions de la prière. Que signifie une condition? Une condition, c'est une chose qui est partie extérieure de l'action à accomplir et qui, si elle est absente, l'action à accomplir le sera forcément. Mais si elle est présente, la chose recherchée ne le sera pas forcément. Donc, l'absence de condition entraîne forcément l'absence de la chose recherchée. Mais la présence de la condition n'entraîne pas forcément la présence de la chose recherchée. Par exemple, les ablutions, la purification est une condition de la prière. Ainsi, celui qui n'a pas de purification n'a pas de prière acceptée chez Allah. Mais ça n'est pas parce qu'une personne a ses ablutions et en état de purification qu'elle est forcément en train de prier. Donc, la purification est une condition de la prière. Les conditions de la prière sont au nombre de 9. Les conditions de la prière sont au nombre de 9. L'islam, c'est-à-dire être musulman, la raison, c'est-à-dire être conscient, le discernement, la purification, dissiper les impuretés, se couvrir, la nudité, l'entrée de l'heure de la prière, l'orientation vers la qibla et l'intention. Et l'intention. La première condition est l'islam. La première condition est l'islam. C'est-à-dire être musulman. Pour accomplir la prière, il faut être musulman. Celui qui veut prier, se rapprocher d'Allah, entrer dans le paradis d'Allah, voir la récompense de ceux qui prient, il faut qu'il soit musulman. Car celui qui n'est pas musulman, Allah n'accepte pas sa prière, car il lui manque cette première condition. Pour preuve, dans Sourate Al-Ma'ida, Allah nous dit: وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Et quiconque mécroit en la foi, ses œuvres sont vaines. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Allah nous dit également: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque recherche autre que l'islam comme religion, on n'acceptera pas de lui. On n'acceptera jamais de lui. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Allah nous dit également: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des actions de ceux qui n'ont pas embrassé l'islam. Leurs actions seront avancées et on rendra tout cela poussière, éparpillée. Ainsi, la prière n'est pas valable si elle n'est pas accomplie par le musulman. Elle ne sera pas acceptée par Allah, le Seigneur des mondes. Donc on invite ceux qui souhaitent se rapprocher de leur Seigneur, éviter sa colère, obtenir son agrément, on les invite à la prière. Et pour cela, il faut qu'ils entrent d'abord en islam. Comment est-ce que la personne entre en islam? En prononçant l'attestation de foi. En disant: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Par la suite, elle peut accomplir la prière. Par la suite, elle peut accomplir la prière. Voici la première condition de la prière, être musulman. La deuxième condition de la prière, الشرط الثاني العقل, la raison. La raison. Son contraire étant la folie, ou toute chose qui fait que la personne n'a pas la raison, comme l'état d'ivresse, ou comme la personne qui est drogué, qui n'a pas la raison. Celui qui n'a pas la raison, sa prière n'est pas valable. Sa prière n'est pas valable. Et nous avons tous avec nous deux anges. Un à droite qui note les bonnes œuvres, un à gauche qui note les mauvaises actions. Celui qui n'a pas la raison, les anges ne notent pas la plume élevée, car il n'est pas responsable de ses actions. Selon Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mère des croyants. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: et la plume a été levée au sujet de trois, c'est-à-dire trois personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et celui qui est petit, c'est-à-dire l'enfant, fille ou garçon, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et autres. Et Sheikh Al-Albani nous dit qu'il est authentique, rahimahumullah. Donc, ces gens-là ne sont pas tenus pour responsables et on ne leur inscrit pas les fautes et les péchés. Ainsi, il faut avoir la raison pour accomplir la prière. La troisième condition, At-tamyiz, le discernement. Son signe religieux est de compléter 7 ans. Son signe religieux est de compléter 7 ans. At-tamyiz, c'est le discernement. C'est-à-dire la période que l'enfant atteint, soit par son âge, c'est-à-dire compléter 7 ans, lorsqu'il s'apprête à avoir 8 ans. Et ça correspond au moment où il connaît, où il comprend, où il raisonne. Ça correspond au moment où il arrive à faire la distinction entre ce qui lui est utile et ce qui lui cause du tort. Il comprend ce qu'on lui dit et est capable de répondre. Voici ce qu'est At-Tamyiz, le fait que l'enfant complète ses 7 ans. Abdullah ibn Amr, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhuma, comme le rapporte Abu Daoud et a authentifié Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhim, nous dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Mouru abna'akum bis salati li sab'a. Mouru abna'akum bis salati li sab'i sinin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans. Les savants disent lorsqu'ils complètent 7 ans. Et parmi les fautes répandues, le fait d'ordonner la prière aux tout petits et d'être sévère avec eux dans ce sujet. Un défaut ou une nuisance qui en découlera et qu'on observe à la mosquée, qu'Allah nous permette d'y retourner dans les meilleures conditions, c'est que des enfants prient et jouent dans la prière. Des enfants prient et rient dans la prière. Pourquoi cela? Une des causes, c'est qu'on leur a ordonné la prière trop tôt. On leur a ordonné la prière à 3-4 ans, par exemple. Ainsi, ils grandissent dans le jeu, dans cet esprit, et ils n'en connaissent pas le sérieux ni l'importance. Le parent, faute d'où il a voulu faire le bien. Le bien tout entier dans l'islam, le bien tout entier dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a laissé nous suffit. Nous n'avons qu'à suivre. La condition suivante, al-shartu al-rabi', raf'u al-hadath. La quatrième condition est le fait d'ôter l'état d'impureté. On va dire littéralement la purification. Al-hadath huwa wasfun tari qa'imun bil badan mani'un mimma tajibu lahu at-tahara. Al-hadath, c'est un état du corps de la personne, c'est un état passager qui empêche la personne d'accomplir ce qui requiert la purification. Ce qui requiert la purification. Et cet état d'impureté est de deux sortes. Al-hadathu al-asghar ou al-hadathu al-akbar. L'état d'impureté majeur, l'état d'impureté mineur. Al-hadathu al-asghar, c'est l'état d'impureté mineur. وهو ما يوجب أو وهو ما أوجب الوضوء. C'est ce qui nécessite de faire ses ablutions. Ce qui rend obligatoire le fait de faire ses ablutions pour avoir accès à certaines choses, comme la prière. Donc l'état d'impureté mineure, comment l'enlever? En faisant al-wudu. En faisant al-wudu. Quant à l'état d'impureté majeur, al-hadath al-akbar, وَمَا أَوْجَبَ الْغُسْلِ C'est ce qui nécessite de faire le grand lavage. C'est ce qui nécessite de faire le grand lavage. الْغُسْلِ C'est-à-dire de se laver de la tête aux pieds en ayant l'intention de sortir de l'état d'impureté. Quant à الْوُضُو, les ablutions, c'est-à-dire dire Bismillah, se laver les mains, mettre de l'eau dans la bouche et le nez, puis faire sortir cela, prendre de l'eau, se laver l'entièreté du visage, du menton au haut du front, de l'oreille à l'oreille, puis se laver la main droite, de la main à l'avant-bras jusqu'au coude y compris, puis la même chose pour la main gauche, le bras gauche jusqu'au coude y compris, puis essuyer les mains mouillées sur la tête, du haut du front jusqu'à la nuque, puis revenir au haut du front, puis essuyer les oreilles, et ensuite laver le pied droit jusqu'au malléole et le pied gauche jusqu'au malléole. Ça, c'est le wudu. Et on détaillera, on expliquera et on montrera, inshallah, également cela. Donc, voici la quatrième condition, sortir de l'état d'impureté, soit en faisant el wudu, les ablutions, soit en se lavant, comme la personne qui est en état de janab, en état d'impureté majeure, suite par exemple au fait d'avoir commerce avec son épouse ou suite au menstru de la femme. Abdullah ibn Omar nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tuqbalu salatun bi ghayri tuhur. Une prière n'est pas acceptée sans purification. Une prière n'est pas acceptée sans purification. Si mes souvenirs sont bons, ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. D'autres versions sont dans le Bukhari et Muslim. La yaqbalullahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous qui est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse la purification, les ablutions. La cinquième condition, ash-shartu al-khamis, izalatun najasa. La cinquième condition, c'est le fait de faire disparaître les impuretés. C'est le fait de faire disparaître les impuretés. Qu'est-ce que les impuretés? Ma huwa mustaqdaratun shar'an. Wa hadhihi al-izala تجب من ثلاث من البقعة التي يصلى عليها ومن الثياب التي يصلى فيها ومن البدن. Il faut faire disparaître les impuretés, soit réellement, soit dans le jugement, c'est-à-dire qu'il reste visible, mais nous avons fait ce qui nous a été demandé dans la religion. Donc tout cela est appelé faire disparaître les impuretés. Il faut enlever les impuretés et faire disparaître les impuretés de trois choses. Premièrement, de l'endroit sur lequel nous prions. De l'endroit, la surface sur laquelle nous prions. Deuxièmement, du vêtement dans lequel nous allons prier. Et troisièmement, du corps de la personne. De la personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Sourate al-Muddathir, wa thiyabaka fatahhir. Quant à tes vêtements, purifie-les. Ay tahhir a'malak. C'est-à-dire, purifie tes actions. Et certes, parmi les plus grandes des actions à purifier, il y a la prière, en la purifiant des impuretés du corps, des impuretés des vêtements et des impuretés de la surface sur laquelle nous prions. Il y a également le hadith de Abu Huraira. Lorsqu'il nous dit « Bal a'arabiyun fil masjid, faqam an-nas ilayh liyaqa'u fi, faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam da'u wa ariqu ala bawlihi sajlan min ma aw dhanuban min ma fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. » L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous rapporte ce hadith. Abu Huraira nous dit: un bédouin a uriné dans la mosquée. Alors les gens se sont empressés d'aller vers lui pour lui faire quelque chose, pour s'en prendre à lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: laissez-le. C'est-à-dire, ne lui faites pas de mal, ne l'insultez pas et laissez-le finir. Car de l'arrêter alors qu'il est en train de faire son besoin peut lui causer du tort dans sa santé. Aussi, de se saisir de lui en le traînant ici et là peut être la cause que l'impureté se répande dans plusieurs endroits de la mosquée, après qu'elle fût dans un seul endroit. Et d'autres sagesses que les savants ont mentionnées. Et ça nous montre aussi ici la grande miséricorde, la grande douceur, la grande sagesse du prophète de l'islam Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit: laissez-le. Puis il leur a dit: versez dessus un seau d'eau ou un grand seau d'eau. Vous n'avez été certes envoyé que pour faciliter, et vous n'avez pas été envoyé pour rendre les choses difficiles. On voit ici l'obligation de purifier l'endroit sur lequel on prie. Al-Shartu al-Sadis, la sixième condition, se couvrir la nudité. Se couvrir la nudité. La nudité est sawatul insan wa kullu ma yustahya min. La nudité, ce qui est voulu, yani la nudité de manière générale, c'est la personne dans son être originel et tout ce qu'on a honte de montrer. Et ce qui est voulu ici, c'est ma yajibu taghtiyatuhu wa ma yaqbuhu shar'an aw wa ma yaqbuhu dhuhuruhu wa yustahya min. Ce qui est voulu ici par la awra, c'est la awra de la salat. C'est ce que nous avons obligation de couvrir et ce qui est honteux de faire montrer. Ce qui est honteux à montrer. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-A'raf, nous dit: Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. C'est-à-dire, ô enfants de Adam, dans chaque lieu de prière, portez vos parures. Dans chaque lieu de prière, portez vos parures. La personne qui souhaite s'embellir, sans aucun doute, elle porte des vêtements, elle porte des choses, et ceci est différent. Naam, et ceci est différent d'une époque à une autre, et ceci est différent d'un endroit à un autre. Mais ce sur quoi il n'y a nul doute, c'est que la personne qui souhaite s'embellir commence par cacher sa nudité. Elle commence par cacher sa nudité. Donc elle cache sa awra. Ainsi, ce verset a été utilisé par les fuqaha pour montrer la condition de couvrir sa nudité pour la prière. Ajoutez à cela, أجمع العلماء على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو يقدر. Il y a le consensus des savants quant au caractère vain ou quant à l'annulation et la non-acceptation de la prière de celui qui l'accomplit dénudé alors qu'il a la capacité de se couvrir. Un point important à savoir ici, Mahaddu al-Awra. Mahaddu al-Awra. Quelle est la délimitation de la partie à couvrir pour l'homme dans la prière? La aura, tout court, de l'homme, c'est mina surra ila rukba, c'est-à-dire du nombril au genou. Du nombril au genou. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'homme ne doit pas prier sans rien avoir sur les épaules. Donc, il faut couvrir les épaules. Sinon, la awra, de manière générale, c'est du nombril au genou. Du nombril au genou. Quant à la awra de la femme, c'est la femme dans son entièreté, sauf son visage, ses mains et le dos de ses pieds, ou je pense qu'on dit la plante des pieds, dans la prière. Voici la aura de la femme dans la prière. C'est qu'elle se couvre, sauf le visage, les mains et le dos des pieds. Certains savants ont fait entrer les pieds entièrement, d'autres on fait entrer le dessus des pieds seulement, et d'autres n'ont pas fait entrer les pieds dans leur entièreté. Quoi qu'il en soit, il y a une différence de awra entre l'homme et la femme, de manière générale, et également dans la prière. Également dans la prière. Barakallahu fikum. Ainsi, celui qui prie et qui a la capacité de couvrir ce qu'il doit couvrir et qu'il ne le fait pas, sa prière ne sera pas valable car il n'aura pas respecté une condition. Par contre, s'il le fait et que par inadvertance durant sa prière, un peu de lui se découvre ou beaucoup de lui se découvre mais pour un temps minime, sans parler des parties intimes directement, sa prière sera quand même valable. Sa prière sera quand même valable, comme les savants nous le mentionnent. Et dans le recueil d'Imam Abu Daoud, At-Tirmidhi ibn Majah, selon Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yaqbalu Allahu salata ha'idhin illa bi khimar » Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui a atteint les menstrues, c'est-à-dire pubère, si ce n'est avec son voile. Si ce n'est avec son voile. Passons maintenant à la septième condition. Al-Shartu al-Sabi' dukhul al-waqt, l'entrée de l'heure, c'est-à-dire l'entrée de l'heure de la prière. En effet, la prière a été fixée à des heures déterminées. Il y a un début et il y a une fin pour chaque prière. Allah nous dit dans Sourate An-Nisa, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure certes pour les croyants une prescription à des temps déterminés. à des heures, à des temps déterminés. La prière demeure pour les croyants une prescription à des heures déterminées. C'est-à-dire chaque prière a un temps précis. On ne peut l'accomplir avant ce temps. Et on ne doit pas l'accomplir après ce temps. Dans Sourate Al-Isra, Allah nous dit Aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dans Sourate Al-Isra, sous la traduction des sens de ce verset, on nous dit Accomplis la salat, la prière, au déclin du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et aussi, c'est-à-dire, et fais aussi la lecture de l'aube, c'est-à-dire la prière de l'aube. Car la lecture, c'est-à-dire la prière, à l'aube, a des témoins. Ici, on nous mentionne les heures de prière de manière condensée, de manière générale. Lorsqu'on nous dit Aqim al-salah, c'est l'obligation de la prière, accomplir la prière, l'idoulou qui shams, c'est-à-dire au déclin du soleil. Et ceci englobe deux prières, la prière du dhuhr et la prière du asr. Ensuite, on nous dit ila rasaqil layl. On nous dit ila rasaqil layl. Al-rasaq al-dhulma, donc jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et l'obscurité de la nuit englobe deux prières. La prière du Maghrib et la prière du Isha. Puis, à part, on nous dit Wa Qur'an al-Fajr. Wa Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Puis, on nous cite la prière du Fajr seule. Pourquoi? Parce que la prière du Fajr, n'est pas, son temps n'est pas rattaché à une autre prière avant ni après. Son temps n'est pas rattaché à une prière obligatoire, ni avant ni après. Contrairement au Dhuhr, au Asr, au Maghrib et au Isha. Voici pourquoi Al-Fajr a été cité à part, tout comme son temps est à part. Et on nous a dit « Wa Qur'an Al-Fajr » et non pas « Wa Salat Al-Fajr ». On a dit la lecture, la récitation du Fajr et non pas la prière du Fajr. Pourquoi ? Ici, on appelle la prière du Fajr par une de ses parties les plus nobles, qui est la récitation. Et en effet, dans la prière du Fajr, la sunna, en général, est de réciter longuement. Donc, on a appelé cette prière par une de ses plus belles parties, une de ses meilleures parties, à savoir la lecture du Coran. Et on nous dit qu'il y a des témoins, ce sont les anges qui se relaient à l'heure du Fajr et à l'heure du Asr. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ Dans le recueil d'Abu Daoud et de Tirmidhi, on a également le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui a été authentifié par Sheikh al-Albani, rahmatullahi alayhim, wa radiyallahu anhuma. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit que Jibril est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a présidé pour lui la prière à deux reprises. À deux reprises. La première fois au début du temps de chaque prière, que ce soit le Fajr, le Dhuhr, le Asr, le Maghrib et le Isha. Puis il est venu le lendemain et a présidé à nouveau la prière, mais cette fois-ci à la fin de chaque temps. C'est-à-dire à la fin de chaque temps. Pour les cinq prières, il fit pareil. Thumma qal, puis il dit, ici je vous ai résumé le hadith, Ya Muhammad, ô Muhammad, Hada waqtul anbiya min qablik, wal waqtu bayna hadayn il waqtayn. Jibril dit ensuite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ô Muhammad, voici le temps des prophètes avant toi. Et le temps, c'est-à-dire de la prière, se trouve entre ces deux temps-là. Entre ces deux temps-là. والأولى أن تصلى الصلاة في أن تصلى الصلاة في أول الوقت. Le mieux et le plus méritoire est d'accomplir la prière au début de son temps. إلا لما جاء به الدليل. فيما جاء به الدليل. Sauf exception de ce qui nous a été mentionné dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir, إذا اشتد الحر في وقت الظهر. Premièrement, lorsque la chaleur se fait intense à l'heure de la prière du dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَةِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَةِ. Lorsque la chaleur se fait intense, rafraîchissez la prière, c'est-à-dire retardez un peu son temps jusqu'à ce que sa chaleur diminue. La deuxième exception, تأخير صلاة العشاء إلا إذا كان في ذلك مشقة. La deuxième exception est de retarder la prière du Isha, sauf si cela cause une de grandes difficultés ou une certaine lourdeur aux prieurs ou à ceux qui accomplissent la prière. On trouve cela dans le recueil de l'imam al-Bukhari, selon Ibn Abbas, dans le recueil de l'imam Muslim, selon Aïcha. On trouve également la parole d'Abu Huraira. Le prophète sallam a dit « Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru l'isha'a ila thuluthi l'ayl ou nisfi. » Le prophète alayhi salatu wassalam a également dit: si je ne craignais que ce soit trop lourd pour ma communauté, j'aurais ordonné de repousser la prière du Isha jusqu'au tiers de la nuit ou sa moitié. Jusqu'au tiers de la nuit ou sa moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ou plutôt Aïcha radiallahu anha, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé la prière du Isha jusqu'à ce que la nuit soit ténébreuse, jusqu'à ce qu'une bonne partie de la nuit passe, jusqu'à ce que des gens de la mosquée se soient endormis. Puis il est sorti et a dit « Innahu la waqtuha » En réalité, c'est ça son temps. « Laula an ashuqa ala ummati » Si ce n'est que je crains d'être trop lourd sur ma communauté, que ce soit trop pénible pour ma communauté. Donc le meilleur temps pour la prière du Isha, c'est de la prier tard. Mais si c'est difficile pour les gens, à ce moment-là, on ne fait pas cette sunna. On ne fait pas cette sunna. Du moins pas régulièrement. Voici pour cette septième condition, l'entrée de l'heure. L'entrée de l'heure. Et sachez, donc, et on a également dit que la base, c'est de la prière au début de son temps et que c'est plus méritoire, car dans le recueil d'Abu Daoud, authentifié par Al-Albani, rahmatullahi alayhima, selon le hadith de Ummu Farwa, سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة في أول وقتها. J'ai choisi cette version du fait qu'elle est explicite pour notre sujet. Le prophète صلى الله عليه وسلم a été interrogé. Quels sont les actes les plus méritoires? Il a répondu la prière au début de son temps. La prière au début de son temps. Naam. La huitième condition, الشرط الثامن استقبال القبلة. La huitième condition, se diriger vers Al-Qibla. Se diriger vers Al-Qibla. Al-Qibla, c'est Al-Ka'ba, c'est Baytullah. Al-Qibla, c'est la Ka'ba qui a été construite par Ibrahim alayhi salam, aidé de son fils Ismaïl alayhi salam, qui se trouve à la Mecque. Et cela selon l'ordre d'Allah. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette qibla. Il nous a ordonné cette qibla. Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui auparavant se dirigeait vers Baytul Maqdis, il lui a ordonné de diriger son être en direction de la mosquée sacrée. Comme Allah nous le mentionne dans Suratul Baqara. Dans Suratul Baqara. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit auparavant, il priait en direction de Baytul Maqdis. Et il espérait qu'une révélation descende pour lui dire de se diriger vers la Kaaba. Vers la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne tout cela. Si on prend dans Suratul Baqara la traduction des sens du verset 143, 144, 145, et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la Qibla, la direction vers laquelle tu te tournais, que pour savoir qui suit le messager et qui retourne sur ses talons. C'est un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre votre foi, c'est-à-dire la récompense des prières priées en direction de Baytul Maqdis auparavant. Car Allah est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Tournez-y vos visages. Et vous lirez, inshallah, le verset, la traduction des sens du verset suivant. Donc notre qibla de prière, notre direction de prière est Al-Ka'ba, est Al-Masjid Al-Haram. Quant à celui qui voit la Ka'ba, son obligation est de se mettre en sa direction, de se diriger vers elle. Mais pour celui qui est à l'extérieur de la mosquée sacrée, lui, il se dirige vers la mosquée. Quant à celui qui est à l'extérieur et qui ne voit pas cela, lui, c'est juste la direction qu'il emprunte. Il n'a pas à viser la Kaaba, mais il doit viser une direction avec une marge d'erreur excusée. Avec une marge d'erreur excusée. Et nous avons le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abdullah ibn Omar, ou bien Al-Bukhari Muslim selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. J'ai un doute si c'est selon Omar ou bien selon Abdullah ibn Omar. Idha qumta ila salah fa asbiril wudu thumma staqbilil qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu te lèves pour la prière, lorsque tu te lèves pour la prière, parfais tes ablutions. Puis dirige-toi vers la Qibla. Puis dirige-toi vers la Qibla. On voit ici l'obligation et la condition de se diriger vers Mada, vers Al-Qibla, qui est Al-Ka'ba. Qui est Al-Ka'ba. Naam. La dernière condition, et avant ça, une question qui revient souvent, que faire dans le cas où On est en voyage et on ignore la direction de la Qibla. De nos jours, beaucoup sont ceux qui ont des boussoles ou bien des téléphones portables qui leur permettent de savoir la Qibla. Dans le cas contraire, il faut demander aux habitants. Dans le cas contraire, il faut demander aux habitants. Il faut demander aux habitants. Et dans le cas où la personne a prié sans demander et a raté la direction de la Qibla, tout en ayant la capacité de savoir la Qibla, mais par négligence, elle n'a pas demandé, elle n'a pas fait les causes ni les efforts. Donc cela l'a amené à manquer la Qibla, à prier dos à la Qibla. La prière de cette personne n'est pas valable. Elle doit se repentir pour sa négligence et rattraper cette prière dans la bonne direction. Quant à la personne qui n'avait pas la capacité de questionner, qui n'avait pas la capacité de savoir, qui ne connaît pas les signes, cette personne, elle fait comme elle peut. Et dans le cas où elle se trompe, elle n'est pas blâmable. Elle n'a pas commis de péché, sa prière est valable. Ainsi est la mansuétude de l'islam, la facilité de l'islam et la miséricorde de celui qui nous a légiféré cet islam, Allah, Arhamur Rahimin. Et pour finir, Ash-Shartu At-Tasi', la neuvième condition, An-Niyya. La neuvième condition est l'intention. Et la place de l'intention et son lieu, mahalluha al-qalb, c'est le cœur. Et pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dans le célèbre hadith au sujet des intentions, le hadith de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, rapporté par al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les actions ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon l'intention. C'est-à-dire que la considération de l'action chez Allah comme étant bonne ou mauvaise, acceptée ou rejetée, a lieu en fonction de l'intention de la personne. Puis, la rétribution qu'il recevra de la part d'Allah se fera aussi en fonction de son intention. Donc, celui qui fait la prière, on conditionne l'intention. Il doit être sincère, viser l'agrément d'Allah à travers cette prière, il prie pour Allah. Car en islam, les actes d'adoration sont voués à Allah. Car en islam, l'adoration et le fait de, et la sincérité et le fait de s'éloigner de toute ostentation, c'est le droit d'Allah sur nous. Car en islam, on sait qu'on a été créé que pour adorer Allah, et cela d'un culte sincère. Donc l'adoration, que ce soit la prière ou autre, doit être vouée à Allah. Mais aussi l'intention dans le sens de niyatou tamyiz, dans le sens où on doit distinguer, mettre l'intention, c'est-à-dire viser le temps ou bien viser une prière particulière. À savoir, avec l'intention, on va distinguer entre le dhohr et l'asr. Qu'est-ce qui fait la différence entre la prière du dhohr et du asr dans l'apparence? Rien. Il y a quatre unités de prière pour le dhohr, mais également pour l'asr. Qu'est-ce qui fait la distinction? C'est l'intention qu'a la personne dans son cœur. Et l'intention, c'est dans le cœur. Prononcer l'intention est une innovation. Et l'innovation en islam, l'innovation religieuse, c'est blâmable. C'est grave et c'est interdit, c'est proscrit. Donc l'intention, sa place est le cœur. L'intention, sa place est le cœur. Et il nous faut mettre l'intention que telle prière accompli, c'est la prière du dhohr. Et telle autre, c'est la prière du asr. Et le temps suffit. C'est-à-dire, s'il sait que c'est telle heure, il est telle heure. Donc, à telle heure, c'est telle prière priée. C'est telle prière comprise. Ceci est suffisant. Et une remarque très importante que les savants n'omettent pas de nous rappeler, c'est qu'il ne faut pas prononcer l'intention avec la langue. avec la bouche. Non, l'intention, c'est dans le cœur. Allah sait l'intention que tu as. Tu n'as pas besoin de l'énoncer. Aussi, sache que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quiconque fait une action qui n'est pas sur notre ordre, c'est-à-dire notre religion, notre naam, sera rejeté. Allah ne l'acceptera pas, c'est-à-dire Allah ne l'acceptera pas. Donc prononcer l'intention n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par les compagnons. Ainsi, on doit suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne jamais ajouter une chose en islam. Ne jamais ajouter une chose en islam. Voici les 9 conditions de la prière. Voici les 9 conditions de la prière. À savoir, al-islam, al-aql, التمييز رفع الحدث إزالة النجاسة ستر العورة دخول الوقت استقبال القبلة والنية. Les conditions de la prière sont au nombre de 9. L'islam, la raison, le discernement, ôter l'état d'impureté, on peut dire aussi la purification, faire disparaître les impuretés, c'est-à-dire les souillures, religieusement parlant, se couvrir la nudité, l'entrée de l'heure de la prière, se diriger vers la Qibla, et enfin, l'intention. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigner sa religion, nous permettre de la comprendre et de la mettre en pratique, puis de la propager et d'endurer. Wallahu a'lam, wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين وارفع هذا البلاء وهذا الوباء عنا اجمعين وارفع هذا البلاء وهذا الوباء عنا اجمعين يا رب العالمين اللهم يسر لنا الاعتمار اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام يا حي يا قيوم يا اكرم الاكرمين يا ودود يا شكور يا بر يا رحيم اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. Nous avons appris le décès de certains parents, le décès de certains parents, le décès du papa ou du beau-père de notre frère Abou Bakr, un des étudiants dans notre centre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir dans sa miséricorde et de l'élever en degré. Il y a également l'épouse et le papa d'un de nos frères étudiants qui sont malades. Ils ne sont pas décédés, ils sont malades. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder un prompt rétablissement, l'épouse de notre frère Elias, ainsi que son père, nasallahu yashfiyahuma, et beaucoup d'autres encore, s'ils ne me reviennent pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas oubliés. Donc on demande à Allah de leur accorder la guérison, de les préserver, de leur accorder endurance à eux, ainsi que leurs proches. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et faites des efforts pour le jeûne de la plupart de ce mois, le mois de Sha'ban. C'est la sunna de votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un mois durant lequel les actions sont présentées à Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.